Sauras-tu dire les mots rêvés et prolonger tous mes espoirs par un regard, une pensée, par un sourire, par un miroir. Sauras-tu taire toutes mes peurs, celles de te perdre, celles Sauras-tu croire encore en nous, les soirs de doute, les nuits d'automne, quand tous nos mots deviendront flous, quand il n'y aura plus personne. Sauras-tu balayer le pire et ne garder que le meilleur? Sauras-tu prendre mes soupirs entre deux notes là sur ton cœur? Sauras-tu me parler du vent, des pluies d'orage et des oiseaux? Sauras-tu glisser un serment entre deux larmes, entre deux mots? Sauras-tu croire encore en nous, les soirs de doute, les nuits d'automne, quand tous nos mots deviendront flous, quand il n'y aura plus personne?